Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 25 août 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, on couvre le côté anglo de la période du 4 au 24 août 2014. On a pris un minuscule retard, mais ne vous en faites pas, un nouveau palmarès s'en vient à partir du 25 août et il va être diffusé pour la première fois la semaine prochaine dans une nouvelle case horaire que j'annoncerai à la toute fin de l'émission. Ouh, hein, le suspense, toi. Donc aujourd'hui, dans le côté anglophone, on va savoir si la fin de l'émission, c'est le numéro 1 et toujours Can't Leave the Night par Bad Bad Not Good. Est-ce que ce sera Bad Bad ou est-ce que ce sera Not Good? Non, ça veut dire la même chose. Ça marche pas. Nouvelle entrée, il y en a 4. Donc, on va entendre plus tard Cousins. The Harpoonist and the Axe Murderer. C'est un seul groupe, plutôt ça. Language Arts. Et on va débuter avec Monomyth sur leur album Saturnalia Regalia. Voici Candle Holder. Sur C'est fou. 89. Ah, il y a le numéro de la semaine passée, c'est ça. C'était Bad Bad. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Bon, ouais. Tout est dans l'ordre. Tout va bien. The looking out at a city so bright, darkened inside the islands. You handed over your treasures like they hadn't even become yours yet. Whispering out, why do I, and how has it come to this? A moment of interaction, sanctified by your wish. But the ring is calling me out, the greatest distraction. I give away all of it through emotional reaction. Sounds of what's in my mind, nothing can really explain it. It's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind. Of wine on you. I give my greatest thanks and wonder what am I to do. You lead me to a conclusion, or at least it seems so. Entrusting my energies into someone I barely know. But the ringing is calling me out, the greatest distraction. I give away all of it through emotional reaction. I am made of time, and in that time I concentrate it. Making sounds of what's in my mind, nothing can really explain it. It's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind, it's the wonder kind. Entrée. Tunis and the Axe Murderer avec leur extrait T42 en 18e place du côté anglophone. Il nous reste une dernière pièce à entendre dans ce bloc de 4 nouvelles entrées. Je voulais juste venir vous dire un petit bonjour. Hein? On parlera des groupes juste après. Mais avant ça, voici Cousins et Other Ocean. On parle assez. Un bloc de quatre nouvelles entrées du côté anglophone dans les palmarès. C'est fou. On vient d'entendre Cousins et Other Oceans sur l'album The Halls of Wickwire, position numéro 17. Cousins, qui est un groupe de garage rock canadien qui vient d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Intéressant. Avant, on a entendu en position numéro 18 T42 de The Harpoonist and the Axe Murderer sur l'album A Real Fine Mess. Et eux, c'est un, ben, en fait, c'est un groupe, un duo de blues basé à Vancouver. C'est Sean Hall et Matthew Rogers. Avant ça, deuxième extrait de l'album Wonderkind par Language Arts. C'était l'extrait Wonderkind, donc la pièce titre de ce groupe qui nous provient du Canada anglais, bien sûr. Et on a débuté avec la 20e place, c'est Candle Holder par Monomyth sur l'album Saturnalia Regalia. Et ça, c'est un groupe du Royaume-Uni qui se dit pop rock shoegaze. Je crois qu'ils sont basés à Halifax en ce moment parce qu'ils ont une petite étiquette Halifax sur leur bandcamp, mais ils proviennent du Royaume-Uni. Voilà pour les nouvelles entrées, il y en a 4 du côté anglophone. La semaine passée, si vous étiez avec nous, on a entendu 3 nouvelles entrées. Ce qui veut dire qu'on a 7 pièces nouvelles dans les palmarès et donc 7 nous ont quittés. Donc voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Give it up. ce sont les pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 7 juillet au 3 août 2014. On a entendu dans l'ordre pour commencer Ariel et l'heure de la dose qui a duré cette semaine. Ensuite, Mange l'ours mange et Nuit blanche avec 8 semaines. Jacques Mort et Paris P avec 8 semaines. Pai Pai et New York avec 5 semaines. Drive-by Truckers et leur pièce Shit Shots Count à 6 semaines. Mark Mills et Triple Fire Sign à 7 semaines. Et finalement, on vient d'entendre Language Arts avec Building a Mountain with Our Bare Hands. Ça a duré 7 semaines. D'ailleurs, Language Arts est le seul... Ouais, le seul, c'est confirmé. De tout cet ensemble, à avoir une nouvelle pièce dans le palmarès, le plus récent, c'est celui de la période du 4 au 24 août. Oui, on est la semaine du 25 août. On est un petit peu en retard, mais on va recommencer avec une nouvelle saison des Palmarès C'est fou la semaine prochaine. Maintenant, on saute par-dessus quelques trucs. En 16e place, c'est Piff Paff Hangover et Whatever Works. Leur succès qui est là depuis 6 palmarès. En 15e, ça descend de 2, Jealous I Ain't With It. Ça aussi, ça a beaucoup de succès de la part de Chromeo. On va entendre un bloc des positions 14, 12 et 11. Donc, sautons la 13e, oui, qui est Chad Van Gelen et Where Are You. On va entendre dans le bloc Tokyo Police Club, Sleeper Agent, et on va débuter avec Pascal Picard en 14e place. Voici Runaway. 89.1 FM, c'est pas mal, c'est fou. California washed away, left us all their bills to Club et Hot Tonight dans les palmarès. C'est fou, c'est bien sûr, comme on l'a dit tantôt, hein, je me répète, mais la position numéro 11. Avant ça, en 12e place, toujours du côté anglophone, on a entendu Sleeper Agent et Waves qui montent de 8 places. C'était nouveau la semaine passée ou dans le précédent palmarès. Avant ça, on a sauté par-dessus la 13e, c'est Where Are You de Chad Van Galen. On est très habitué de l'entendre. 7 palmarès de suite. Et au tout début du bloc, c'était Pascal Picard et Runaway qui descend de 6 places, de la 8e à la 14e. Oui. Maintenant, on saute encore par-dessus quelques trucs. Bon, on va faire un bloc 50-50, les positions 10 à 7, mais juste à moitié. Hein? Donc, on saute par-dessus The Stripes en 10e avec You Can't Judge a Book by the Cover, une des pièces qui est là depuis le plus longtemps, le palmarès, 8 semaines. Même chose pour la 8e qu'on saute, c'est The Pretty Reckless avec Going to Hell. On va entendre Bri Webb et AM Blues plus tard, mais avant ça, en position numéro 9, voici Song for 5 and 6. Trop de chiffres en même temps. The Owen Pallet. C'est-tu 5, c'est-tu 6, c'est-tu 9? Branche-toi, hein? Tu vas jouer à la loterie, tu vas choisir des chiffres dans le même hasard. Non, en fait, c'est pas ça qu'on fait. En fait, je le fais pas. Even as a child you felt the terror of the infinite, stenciling your diagrams of trilogies and pyramids on the face of the infinite. Sing about a poetess hyacinth around her feet, that it will never come again is what makes our life so sweet. Do you agree? Let's get between. plastic smash on the flatbed. Boys on the ball, boys on the ball. In war, the stick smash on the flatbed, boys on the ball. The stick smash on the flatbed, boys to the town, victorious in war. The stick smash on the flatbed, boys on the ball. Set. Duo qui va très bien ensemble. On vient d'entendre Brian Webb et AM Blues qui montent de deux places en septième position anglophone. Avant ça, toujours du côté anglophone, on a sauté par-dessus The Pretty Reckless et Going to Hell qui montent de la 11e et on a entendu Owen Pallett et Song for 5 and 6 qui montent d'une place. Maintenant, on saute par-dessus un bloc de trois pièces parce qu'on arrive vers la fin de l'émission. On doit sauter au top 3. Donc, en sixième place, on saute Beef Donut et Found Like This, qui est là depuis 6 palmarès. En cinquième, Ambulance City de Pink Mountain Tops, qui est là depuis 5 palmarès. En quatrième, c'est l'ancien numéro 1. Oh, dommage de le sauter. C'est Bad Bad Not Good et Can't Leave the Night. Top 3, donc, plus tard, le numéro 1. C'est donc un nouveau. On va aussi entendre Jack White. Mais avant ça, en troisième place, ça monte de 16 positions. C'était nouveau dans le précédent palmarès. Voici Vogue Dots au 89 FM. C'est palmarès, c'est fou. Position. Sunglasses, Ben oui, mais là, wow, non, non. Tu ne joueras pas deux chansons de suite de Fucked Up, toi, là. Impossible, non, non. Donc, c'était Fucked Up et la pièce numéro 1. Petit récapitulatif avant ça. En troisième place, c'était Vogue Dots et Skinny Thing. Position numéro 3 qui monte de 16. C'était une nouvelle entrée dans le précédent palmarès. En deuxième, ça monte de 5. La Zeretto du fameux Jack White. Et en première place, ça monte de 2 positions. Une seule pièce à la fois de Fucked Up. C'était Sunglass sur leur album Glass Boys. C'est tellement particulier. Mais je commence à le trouver. Non, je dirais pas que je l'aime. Mais tu sais, je peux y trouver certaines qualités. J'aime le contraste entre la petite voix douce et la petite voix... Donc voilà pour les positions anglophones, le top 20, une partie en tout cas du palmarès anglophone. On change de case horaire à partir de la semaine prochaine. C'est la programmation d'automne qui commence. Donc je vous retrouverai en compagnie de... Pas capable de faire les vestes des effets sonores depuis que je suis tout jeune. C'est Jean-Philippe Charbonneau qui va co-animer les palmarès C'est fou avec moi les mercredis. Entre 14h et 17h. Donc soyez-y, 14h à 17h les mercredis. Voilà, je ne serai plus seul au palmarès C'est fou. Dans quelques instants pour les auditeurs du jeudi, ce sera Assemblage requis. On repasse les samedis avec à midi Assemblage requis et à 15h les palmarès C'est fou. Et une dernière fois lundi à 14h Assemblage requis et 17h les palmarès C'est fou. On se quitte avec une pièce qu'on a sauté tout à l'heure, c'est-à-dire Bad Bad Not Good. C'est l'ancien numéro 1 que je vous avais dit que j'aurais dû faire jouer. Là, c'est Can't Leave the Night. À la semaine prochaine. Bye bye.